La ligne aérienne que le docteur Fergusson comptait suivre n'avait pas été choisie au hasard. Les diverses expéditions qui remontèrent le Nil ne purent jamais parvenir aux sources mystérieuses de ce fleuve. Mais docteur Fergusson remarqua avec soin qu'il n'avait franchi ni le deuxième degré de latitude australe, ni le 29e degré de longitude est. Il s'agissait donc de réunir les explorations de Burton et Speke à celles du docteur Barth. C'était s'engager à franchir une étendue de pays de plus de 12 degrés.